Chapitre 2e, le Kelpie ou démon du lac. 6 années se sont écoulées. La jeune Marie s'épanouit comme une fleur sauvage sur les bords du lac de Monteith. Élevée au monastère d'Inchmahom, la reine enfant ne connaît encore de la vie que les rochers abrupts, les bruyères sauvages, les rives verdoyantes qui voient ses promenades et ses jeux. Folle et rieuse, elle est levée avant le jour. Elle ne sait d'autre passe-temps que des courses vagabondes à travers les sentiers pierreux qui mettent en lambeaux son plaid de satin noir, attaché par une agrafe d'or aux armes de Lorraine et d'Écosse. L'âme qui s'éveille dans ce cœur joyeux ne veut d'autre émotion que les légendes, les ballades, la musique et la danse. C'est le sylphe des grèves, et les pêcheurs sourient avec béatitude quand ils la voient courir, ou plutôt fuir à travers les hautes herbes. C'est le lutin heureux de la contrée, sa figure rose et blanchâtre, son regard si brillant, si limpide, qui s'exerce à la fascination dont il abusera plus tard, ses cheveux dont les anneaux flottent librement sur son cou d'ailier, sa voix charmante, qui passe tour à tour du commandement à la câlinerie, tout en elle, charme, séduit, attendri. Les montagnards laissent la porte de leur cabane entr'ouverte quand la saison est belle, car ils savent que la fille de Jacques V paraît souvent sur le seuil dans un rayon de soleil et vient leur demander un morceau de leur pain noir et des chansons. Quelquefois on entend sur le lac une barque pleine de rires et de paroles rapides. C'est que la jeune reine se promène avec ses compagnes. Marie a toute une petite cour d'enfants de son âge et de son nom. La reine-mère, ayant une vénération profonde pour la Vierge, a voulu que toutes celles qui approcheraient sa fille eussent les mêmes raisons d'intercéder auprès de la Mère de Dieu. En conséquence, toutes s'appellent Marie, et cette cour en miniature est vouée au même culte. Souvent donc, toutes ces petites Maries sautent dans une barque avec leur reine enfantine et se font conduire sur le lac de Monteith. Et les eaux vertes et profondes servent de miroir à toutes ces figures coquettes qui cherchent sous les rames les naïades et les sirènes des balades. Un jour, la jeune reine apprit qu'elle allait partir pour la France. Sur son front si doux et si pur, Dieu devait poser une double couronne et on lui promettait, à Saint-Germain-en-Laye, un petit mari de son âge, le dauphin François. Bien que l'idée de voyager, de changer de climat, de quitter ce monastère, qui avait été pour elle un sombre berceau, fit battre le cœur de Marie, elle n'en regrettait pas moins son beau lac, ses vertes bruyères, ses tristes campagnes, qu'elle avait animées de sa gaieté. Elle allait voir le pays de sa mère, ses oncles de Guise, qui lui envoyaient de si beaux présents et de si douces paroles. Elle allait, habillée de riches atours, prendre rang à la cour de Saint-Germain. Mais il lui fallait renoncer à sa liberté. La petite paysanne allait devenir une vraie reine, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus sortir, courir à l'aise, et ce compagnon de jeu qu'on lui promettait, le dauphin François, l'effrayait par la pensée qu'il deviendrait un jour son mari, c'est-à-dire son maître. Aussi Marie voulait-elle faire une dernière promenade d'adieu sur son beau lac, et les quatre compagnons ordinaires de sa vie, Marie Fleming, Marie Scatton, Marie Abington, Marie Rayton, la conduisirent vers la barque qui l'attendait. Ce jour-là, le ciel était gros et plein de larmes, comme le cœur de la petite reine. L'Écosse semblait s'attrister. Le lac s'agitait comme pour parler et murmurer une plainte. Les pêcheurs, accourus sur la rive pour assister à la dernière promenade de leur fée, regardaient silencieusement les cinq maris s'installer dans la barque et ne songeaient pas à pousser les hurrahs accoutumés. La petite reine, sur la tristesse de laquelle toute cette tristesse extérieure venait peser, essaya de rire, excita ses compagnes, et ne pouvant parvenir à les distraire, entama une ballade. Mais sa voix était moins pure, moins nette que d'ordinaire. Elle n'osa continuer, et s'interrompit au premier refrain. Puis, comme Marie Fleming était près d'elle, et semblait la plus désolée, elle lui jeta les deux bras autour du cou, l'embrassa et lui dit « Allons, mignonne, n'essaie pas de me faire pleurer, et pensons au beau pays que nous allons voir. »« Hélas, » répondit Marie Fleming, « est-il de beau pays sans lac ?»« Pauvre lac, » interrompit la petite reine, « je voudrais l'emporter avec moi. » Et se penchant en dehors de la barque, elle plongea sa petite main rose dans l'eau verte, l'emplit et la porta vivement à ses lèvres, d'où ruisselèrent des gouttes. « Prenez garde, ma reine, » dit une des petites maries, « ne vous penchez pas tant, le kelpie vous prendrait. »« Le kelpie, » répliqua Marie Stuart, « est un bon démon qui m'a toujours souri et qui m'aime. Il ne voudrait pas me nuire. S'il vous aime, raison de plus pour vous garder. Mes amis, » dit la jeune reine en se dressant sur ses petits pieds, « disons adieu au démon du lac, à ce vieux compagnon qui ne peut pas nous suivre et auquel personne ne viendra plus chanter nos chansons. » Alors Mary Stuart se tint debout dans la barque, que les vagues tumultueuses commençaient à agiter, et la jeune enchanteresse parla ainsi. « Vieux Kelpie, toi qui es noir comme la nuit, et qui as de longs bras toujours remplis d'herbes, démon du lac de Monteith, dont les pieds de cheval galopent sur les flots, dont la tête humaine se montre noyée, et dont les mains froides s'attachent aux barques condamnées. Démon, qui m'a toujours caressé, je te dis adieu, et je te donne, comme souvenir de ta bien-aimée Marie, cette agrafe aux armes d'Écosse et de Lorraine qui a touché mon cœur et qui va toucher le tien. » Et arrachant vivement de son plaid l'agrafe qu'il retenait, Marie la jeta dans les flots. Puis elle s'agenouilla, chercha à plonger du regard dans les profondeurs de l'eau, comme pour y voir le Kelpie. Toutes ses compagnes l'imitèrent, et les cinq maris s'inclinèrent et se penchèrent tellement que les vagues soulevées par le vent montaient jusqu'à leur front et semblaient les baiser. Tout à coup, soit que les bateliers épouvantés de ce jeu imprudent et désespérés de ne pouvoir le faire cesser par leurs remontrances eussent voulu forcer ces jeunes étourdis à l'interrompre, soit que la tempête s'éleva alors, soit enfin, comme les balades l'assurent, que le Kelpie, le démon du lac, eût voulu rendre à Marie une prophétie en échange de son adieu, un grand tumulte se fit au flanc de la barque, une trombe d'eau jaillit et inonda les promeneuses. Marie Stuart poussa un grand cri, se rejeta pâle et à demi-morte d'effroi sur son banc, en murmurant qu'elle avait vu le démon du lac, que le centaure humide l'avait saisi de ses deux bras et avait voulu l'attirer à lui. Les jeunes compagnes de la reine cherchaient à la rassurer, sans se sentir elles-mêmes prémunies contre la terrible vision. Elles n'osèrent regarder le lac, de peur de se heurter aux deux grands yeux glauques du monstre, ces yeux qui portent infailliblement malheur et qui annoncent la mort à celui qui les rencontre. Quant à Marie Stuart, elle tremblait, passait en frémissant sa main autour de sa ceinture, comme pour effacer l'empreinte qu'elle disait avoir sentie. Elle avait vu, bien distinctement, le démon se cramponner à la barque, la secouer, et elle affirmait qu'au moment où elle avait poussé un grand cri, en se recommandant à la Vierge, sa patronne, le monstre, qui avait grand-peur de la mère de Dieu, s'était plongé dans le lac en lui envoyant un coup d'œil épouvantable. La barque aborda bientôt au seuil du monastère. Les jeunes filles n'osaient raconter l'incident de leur promenade. Quant à la petite Marie, son cœur s'était resserré plus étroitement encore. Le pressentiment acheva d'assombrir ce voyage de France, dont on essayait vainement de l'éblouir. On la coucha avec la fièvre, et pendant toute la nuit, qui fut remplie par une tempête horrible, elle crut distinguer dans le sifflement du vent, dans le mugissement du lac, les plaintes du Kelpie qui l'appelait et qui réclamait sa jeune et royale fiancée. Sa nourrice, que cette agitation rendait inquiète, resta près de son lit et l'entendit plusieurs fois murmurer « Mon bon Dieu, qui m'avait destiné pour mari le gentil dauphin François, ne permettez pas que je reste ici, la femme du démon de Monteith. » Vers le matin, le sommeil calma ses terreurs, mais le départ pour la France devait avoir lieu le jour même, et quand l'heure sonna, Marie se laissa conduire en tremblant et ferma les yeux tant qu'elle fut en vue du lac.